Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, aujourd'hui l'émission Ils écrivent et en plus ils causent vous présente Lucas Le Goharis. Bonjour Lucas. Aujourd'hui vous allez nous présenter votre nouveau livre, La locomotive noire. Pouvez-vous nous en parler? Je vais vous parler de La locomotive noire. La locomotive noire, c'est un cadeau qui a été offert à un enfant le jour de son anniversaire, le jour de ses 5 ans. Ce jour-là, tout était beau. Un homme, le meilleur ami de la famille, a apporté son cadeau, comme toutes les autres personnes. Ce jour-là aussi, il a posé ses mains sur un enfant. Il a posé ses mains sur moi. Ce jour-là, il m'a pris mon innocence, mon corps, mon esprit, et il le fera pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais le garçon jouet d'un pervers qui m'a passé de ses mains à d'autres mains. J'aurais pu écrire un livre comme un témoignage. J'aurais pu juste raconter 10 années de ma vie. Mais le livre que j'ai écrit n'a pas comme vocation de témoigner de l'horreur que j'ai vécue, ni à décrire une plongée dans l'enfer de la perversité. Ce livre est avant tout destiné à faire part d'un parcours qui m'a mené de l'ombre à la lumière et qui laisse un message d'espoir. Je suis resté 40 ans dans le silence sans même imaginer que le mot « espoir » existait. Et un jour, quand une belle âme m'a tendu la main, j'ai décidé de sortir du trou noir dans lequel je m'étais enfermé. Et la traversée d'un océan immense s'est offerte à moi. En m'intégrant dans un nouvel équipage, celui de la vie, et en troquant mes larmes contre des mots, j'ai commencé à respirer un nouvel air, vivifiant, parfois étouffant, mais chargé de la chaleur humaine. J'ai volontairement choisi de ne pas écrire un témoignage qui ne serait qu'une énumération de faits de souffrance. Face à elle, j'ai voulu offrir quelque chose de beau, de soigné, une écriture travaillée, romancée et chargée de beaucoup de pudeur. Pour moi, la souffrance ne s'affiche pas entre exhibitionnisme et voyeurisme. La souffrance la plus profonde est à l'intérieur de moi. Et finalement, le combat que j'ai dû mener contre le silence et l'errance, ce combat que j'ai mené pendant 40 ans, a été ma véritable souffrance. Et maintenant, dans la bataille pour la vie, j'ai troqué la locomotive noire de mes 5 ans contre une nouvelle locomotive noire, celle qui me conduit à pleine vapeur vers l'espoir et la reconstruction. Voilà l'histoire de la locomotive noire en quelques mots. Seriez-vous d'accord de nous lire quelques petits extraits pour nous faire découvrir votre très beau texte? Mon histoire, elle a commencé il y a si longtemps. C'est pas tout à fait l'histoire d'un beau trois-mâts, ce n'est pas non plus l'histoire d'un oiseau, bien qu'un jour on parlera d'envol. Alors c'est juste une histoire d'un enfant qui a reçu une locomotive noire le jour de ses 5 ans. Juste le dernier souvenir de fierté avant qu'un homme profite de son corps d'ange pour le transformer en esclave. Depuis dans ma vie, je suis devenu le matelot d'un bateau fantôme, celui de mon corps. Plus de quoi être fier. Ce n'est pas juste une histoire. C'est la désarticulation progressive de ma vie engloutie sous des vagues de honte, d'angoisse et de misère qui m'ont transformé en ombre. De cette désarticulation, j'ai perdu l'envie de vivre et paradoxalement, je n'avais plus trop envie de mourir non plus. car d'une certaine manière, n'étais-je pas un mort vivant? Alors, Santiano, je le suis devenu par la force des choses. Je suis un matelot qui, tant bien que mal, devra tenir bon la vague, tenir bon le vent. Et j'en hisserai les voiles, et le vent m'en arrachera. Hissez haut, Santiano. C'est pas que j'avais un cap à tenir. C'est pas que j'avais une route à suivre, mais avec le temps, j'ai découvert malgré moi que nous étions 10, 1000 à être de Santiano dans l'errance de la vie, et de l'espérance aussi. Alors oui, les mots ici sont mes mots et ceux de tous les Santiano de la terre, les cris à hurler de toutes les victimes de ces prédateurs qui transforment des vies en nombre. Ce qui a transformé ma vie, c'est juste une locomotive noire, offerte à un petit garçon. Je perds progressivement contact avec tout, ma tête est envahie par le sombre, rien ne sera plus comme avant. Le silence colle et ronge mes neurones. Plus moyen de penser à autre chose, et chaque signe de vie, de joie se transforme en blessure. Il ne me reste que quelques heures de liberté que je vole au temps pour me réfugier dans le fond du jardin entre le vieux pommier couché et la caravane rouillée. Là, je crée un territoire, mon territoire. Je guette et je veille pour le garder à moi, pur et unique. Je connais chaque mètre carré. Derrière le pommier, je me cache comme derrière une muraille, et dans la vieille caravane, j'ai installé mon petit monde imaginaire. C'est là que je découvre que je peux me dissocier de mon corps au point d'imaginer que je ne suis plus en moi. Cette force de l'imagination deviendra au gré du temps un pouvoir pour supporter l'insupportable. Mais la réalité reste toujours cette réalité, celle qui ne demande qu'à être noyée. Enfant, je découvrais les affres de la mélancolie sans savoir son nom. J'en étais submergé. Elle me laissait là, effondré sur mon lit ou calé, recroquevillé en boule dans un coin de ma chambre pendant des heures. Les nuits passent entrecoupées par la peur de le voir arriver et l'envie de rêver un peu. Je pense que c'est à partir de cet âge que j'ai perdu la faculté de dormir la nuit. Et puis le matin arrive. On espère qu'une fée est passée pour tout changer, mais finalement on se lève avec cette même odeur, son odeur, cette même impression désagréable de subir. Je m'évapore en pensée pour créer un autre chemin, celui qui me conduit ailleurs. Puis il y a la réalité qui frappe à la porte. Elle ne s'embarrasse pas de questions superflues. Mon corps me rappelle que j'ai souffert, ma tête se souvient de ses mains et d'autres choses aussi. J'en suis au point de ne plus trouver les réponses, d'accepter cette situation comme étant la mienne, logiquement la mienne, naturellement la mienne. Je vis sans jamais vibrer. Voilà, j'en suis là, égaré, sans avoir le droit de croire au répit, perdu, à jamais. J'écris des rêves et des espoirs en éternité avec des mots que je voulais propres pour blanchir mon passé. J'espère mille fois dire les premiers mots, mille fois je veux dire je m'appelle Santiano et je suis un enfant abusé. Mille fois ces mots je les murmure, mille fois les mains de ceux qui ont profité de moi les ont plaqués au fond de ma gorge. Eux, ils continuent à abuser de moi, continuant à me prendre en traître durant mes nuits, en violant mon âme et déposant sur mon cœur une ombre qui plane, envahissant le peu de lumière que j'avais accumulée avec tellement d'efforts. Sur leur bûcher, ils brûlent le temps que j'ai grappillé pour espérer, laissant la place aux cendres de l'ennui et de la solitude. Je suis finalement si seul dans le silence, si seul dans l'ignorance, abandonné, obligé de supporter la souffrance au milieu de souvenirs jamais oubliés. Je garde en moi un passé qui me blesse comme un coup de poing en plein ventre. J'ai le goût de la mort qui remonte dans mes sanglots, des pourquoi sans réponse en guise de détresse, des pourquoi moi de culpabilité qui peuvent me tuer en emportant mes pleurs et mes cris dans l'éternité. Combien de fois? 1000 fois peut-être. Je laisse venir le silence me prendre dans ses bras et quand plus rien n'a d'importance, espérant laisser la mort arriver pour oublier les peines et les malheurs. Combien de fois j'espère sentir mon cœur ralentir dans l'espoir de sentir mon corps mourir doucement, très doucement, pour plonger dans un monde où ne survit plus aucune souffrance. Combien de fois vous, les hommes et les femmes qui sans aucune gêne avaient joué avec mon corps, vous m'avez poussé aux portes de la mort pour échapper à l'enfer qui me ronge à l'intérieur. Combien de fois suis-je parti en duel, entre la vie et la mort, revenant vivant mais encore plus blessé par les coups portés à ma conscience, et où mon inconscience était plus votre allié que la mienne. Combien de fois je me retrouve là, à m'interroger avec ce sentiment d'être toujours dans une impasse, sans savoir où je vais. Tout ce qui a fleuri dans mon jardin secret est maintenant fané, comme si l'hiver était arrivé en plein été. Dans ma tête et dans mon cœur, un froid immense s'est installé, une nuit boréale sans fin. L'horizon est maintenant couvert du givre de mes doutes. Comment peut-on se procurer votre livre ? Vous voulez vous procurer votre exemplaire de La Locomotive Noire ? Rien de plus simple, vous vous rendez sur le site internet lalocomotivenoire.com où vous trouverez toutes les informations pratiques qui vous permettent de commander votre ouvrage, ainsi que toutes les séances de dédicace qui sont programmées dans les mois à venir. Vous trouverez également La Locomotive Noire dans le réseau des libraires d'Illicom, 1600 libraires en France. Et je vous remercie d'avance pour votre éventuelle commande. Et pour tous les renseignements pratiques, rendez-vous sur le site lalocomotivenoire.com. Pouvez-vous nous faire un petit historique de votre parcours d'écrivain ? J'écris depuis l'âge de 15 ans, des courtes histoires, des poèmes, des mini-récits. J'écris pour m'accompagner dans la vie, pour aussi conserver ce domaine imaginaire. Et en tout, j'en suis à peu près à 35 cahiers d'écriture qui me servent à alimenter mon travail d'écrivain, mais aussi qui servent à alimenter un site d'écriture que j'anime sur Internet où je mets la poésie et la photo en avant. J'utilise également les mots dans mon travail quotidien, car dans mon travail quotidien, je suis écrivain public. Et là, j'apporte une aide dans les urgences du quotidien, on va dire, celles de litige ou de soucis que l'on rencontre dans sa vie. Et déjà là, je fais de l'accompagnement avec les mots, mais dans une forme très polie, on va dire. Et maintenant, depuis quelques temps, j'utilise les mots à travers un accompagnement beaucoup plus pointu, beaucoup plus personnalisé, qui est la thérapie par les mots, l'écrit-thérapie. Et là, avec les mots et la justesse des mots, mais je peux apporter un accompagnement à des personnes qui cherchent un autre moyen d'expression, un autre moyen de parler d'eux, de leurs souffrances, de leurs recherches, de leurs questionnements. Et donc, l'écrit-thérapie et les mots couchés sur le papier apportent donc un accompagnement très pointu. Après La Locomotive Noire, je termine pour l'instant un deuxième roman qui s'appelle « Où s'en vont les bateaux passer la ligne de l'horizon » qui sera bientôt publié, ainsi que deux contes modernes pour enfants et un recueil de poésie. Donc voilà en gros le travail que j'effectue au niveau de l'écriture en sachant que les mots mais sont mon quotidien et que je vis pour les mots. Merci Lucas Le Goharis d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre magnifique roman. La locomotive noire. Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban Le Psy, licence art libre.